Bye. Paul Naref en ce moment. J'ai des accords, ça s'est loupé. Ça se fait dans mon PC. Moi je me mute tout seul pour pas faire chier, je suis en train d'essayer de faire une chanson de Paul Naref. Cœur libre tous les jours, toutes les nuits, pour la vie. Un galéine offre un nid tout près du soleil, près des étoiles, pour loger. Ouais, mais j'arrive pas à faire l'autre partie. Bon, c'est pas bon ça. Ou alors je vous fais que des couplets. On peut passer à autre chose. Un dernier. Cherche cœur libre tous les jours, toutes les nuits, pour la vie. Un galet offre mis tout près du soleil, près des étoiles. J'aimais bien quand j'étais gosse. Love me, please love me. Putain, j'ai perdu le. J'avais un site qui avait tout plein de textes avec des paroles. Comment ça?